Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule pour Play avec Flavie. Flavie, ça va ? Oui. Il n'est pas trop tard, tu vas pouvoir regrouper tes esprits et faire blum. On va voir, mais je peux faire blum si tu veux. Thomas Poussou est avec nous. Bonsoir. Et nous avons un invité extraordinaire, un invité spécial, un invité qui fait trembler le monde Brad par ses interventions Pitt. Sur le forum Silent Drift. Pas Brad Pitt. Fabien Ilvine. Le créateur de Monostatos est avec nous. T'es sûr que c'est de moi que tu parles ? Un tonnerre d'applaudissements pour lui. Oui ! Ouais ! Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap. Oh ! Oui, je suis sûr que c'est pas de moi que tu... On ne l'a pas entendu ici, mais chez vous, je suis sûr que vous avez eu le droit à un tonnerre d'applaudissements. Bref. Aujourd'hui, une thématique qui va nous occuper pour ce podcast de 40 minutes. Attention, messieurs. Peut-on débuter avec n'importe quel jeu de rôle ? Thématique qui, peut-on bien sûr... débuter avec n'importe quel jeu de rôle ? Non. Indice chez vous. Voilà. Flavie. Non, on ne peut pas débuter avec n'importe quel jeu de rôle. Ah bon ? Voilà. Ça y est, j'ai répondu. Alors, pour replacer les choses un peu dans le contexte, oui. je dois dire que c'est une thématique qui vient en écho de la réflexion que mène la FFJDR sur la question d'un label. Donc, découverte, qui permettrait en fait de mettre en avant certains jeux qui, par leur qualité ludique, les thèmes abordés, sont particulièrement propices pour des publics débutants, des publics débutants. Alors, c'est surtout ce qui est important à dire, c'est que dans Thomas. Ce label, ce qu'on explique, c'est que l'univers n'est pas trop condensé. Tu fais partie de la FFJDR, toi ? Non, pas du tout. C'est parce que j'ai lu la description de la FFJDR. Ah, donc, au lieu de dire conneries c'est... comme quoi ils font un label qui c'est sert à rien, c'est le universel. Bien ce leur qu'on expliquer explique. Pourquoi c'est comme d'accord. ça. Ok, d'accord. Okay. Et ça marche ? Alors, pourquoi ? Alors, en fait, dans l'idée, c'est donc ils ont essayé de regrouper en fait des jeux qui, d'après eux, serviraient donc pour les débutants, qui est donc en fait un univers qui est pas trop complexe. D'accord. Des systèmes de règles très simples où il n'y a pas besoin d'énormément de calculs, ce qui se justifie par des calculs seulement mentaux, pas besoin d'accord. de calculatrice, ouais. comme un certain jeu qui s'appelle Reanima. dont on a parlé au cours voilà. du premier donc, podcast. Lui n'a pas de label découverte. Oui, j'imagine bien, oui. Pourtant, c'est pas la faute. Si, label découverte, mais pour Texas Instruments et Casio, je crois. Il y a sûrement une application iPhone, d'ailleurs, pour Anima. Oh putain. Voilà. Application Anima, téléchargez tout ce que vous pouvez au niveau des tableaux. Vous pouvez calculer votre rythme d'initiative. Donc, en gros, des jeux très basiques, peu de règles, des règles très simples, ouais. un univers peu condensé. D'accord. Ils précisent même que alors, dans la liste qu'ils ont donnée, parce qu'il y a une liste évidemment sur le site de la FFJDR, ouais. allez la consulter histoire d'avoir un peu une idée. Ouais. Ils parlent aussi bien de jeux, on va dire, qu'on trouve dans le commerce, que de jeux amateurs. Il précise même qu'un jeu de rôle en une page peut très bien être intéressant pour les jeux débutants. Et alors, si je ne me trompe, il y a aussi l'idée que l'univers doit être... que les thèmes de l'univers ne doivent pas être trop hard. Donc, Les jeux amateurs, du coup, c'est un peu limite, parce qu'elle encourage le voyeurisme, c'est ça, non ? Non. Oh là là, j'essaie d'élever le débat à l'animateur qui... bref, non mais évitez les jeux de... les jeux de mots, mais on parle de jeux de rôle. Donc les jeux d'épouvante ou les jeux trop extrêmes. Bref, donc pendant que... J'essaie de garder le cap. Non, alors déjà la première chose contre laquelle je m'insurgerai, c'est d'entendre... Tu viens d'interrompre Fabien Ilvine. Ouais. Je peux le supporter. Non, attends, on va laisser Fabien finir et puis je te D'accord. donne la parole après. Ça devient n'importe quoi là sinon. Okay. Bon ben si c'est... Non parce que... Okay. Alors j'aurais deux choses à dire par rapport à ça. Il me semble qu'il y a, je pense qu'il y a effectivement deux choses à considérer par rapport au fait d'un jeu qui se voudrait être accessible à des débutants. Ouais. Il y a effectivement une part de règles parce que comme dans... n'importe quel autre jeu, que ce soit un jeu de société, un jeu de cartes, on ne peut pas attendre que des débutants se coltinent des règles énormes. Et par ailleurs, ça je crois que c'est lié au jeu de rôle de manière plus générale, il y a le jeu de rôle plus ou moins classique, ouais, traditionnel. Tel que vous le pratiquez probablement chez vous, un indice chez vous. encourage un certain type de culture. C'est-à-dire qu'il y a un certain type de réaction qu'il faut avoir et qui, bon, à mon avis, ne sont pas justifiées, mais c'est ma pure réflexion d'auteur indépendant qui n'engage que moi. Voilà. Je vous rappelle que Silent Drift est un dangereux forum sur lequel des personnes qui veulent rompre les traditions du jeu de rôle, genre ils font des jeux sans mettre deux jeux, des trucs vraiment très bizarres. Mais les trucs du genre, il faut respecter le scénario, le meneur de jeu a toujours raison. Alors évidemment, je sais très bien que, enfin, j'entends déjà qui hurle. Je sais très bien que c'est pas comme ça que ça se pratique chez. Ça fait moins hurler les gens maintenant. Il en reste pas moins qu'il y a une culture d'un certain nombre de choses qu'il faut savoir avant de jouer un jeu de rôle. Mais alors, tes jeux d'anarchistes, là, c'est bien pour débuter ou pas? Je te rappelle que c'est le thème de notre émission. Moi, je pense qu'effectivement, les jeux d'anarchistes de Silent Drift, comme tu dis, sont excellents pour débuter. Je pense notamment à un jeu comme Innommable, de Christophe Buckley. Qui n'est pas sorti, donc. Qui n'est pas sorti, effectivement. Alors, nous parlons. Mais qui est toujours qui est dans les dernières phases de son développement. Enfin, on peut espérer que c'est les dernières phases. Il y a Rome qui est sceptique. Non. Je suis vraiment très sceptique, mais oui, peut-être. Bref, mais pour l'avoir expérimenté plusieurs fois avec des releases des débutants, en l'espèce, une cousine à moi de 21 ans qui n'avait jamais fait de jeu de rôle jusque-là, ainsi que mes parents, mon papa a quand même plus de 73, c'est ça cette année. Et qui s'en sont très bien sortis. Pourquoi? D'accord. Parce que. À 73 ans, est-ce qu'on est un débutant? Un indice chez vous? J'essaie de garder. Aide-moi là, aide-moi. Oui, pardon, excuse-moi. Par exemple, mais t'as raison, Innommable, c'est une création de personnage en deux étapes, définir l'identité générale du personnage et qu'est-ce qui est le plus important pour lui au monde. Ouais. Et après, le système de jeu donne des impulsions pour aider les joueurs à inventer tout le temps. Et ça, c'est génial. Ça, c'est en plus, on n'a pas besoin de la culture rôliste dont je parlais tout à l'heure. Les règles sont simplissimes. C'est vrai que quand on est débutant, on arrive devant le jeu de rôle, on se dit tout de suite, oh mais putain, mais il faut avoir lu combien de bouquins pour faire ça. Alors, souvent, les gens nous présentent une base de jeu. Puis, alors, souvent, on tombe sur du vampire, du Cthulhu, du AD&D. On voit une base de jeu qui fait 400 pages, format A4. On se dit, putain, mais c'est quoi ce truc dans lequel on est arrivé, quoi? Est-ce que c'est vraiment des bons jeux, ces jeux classiques, pour débuter? Moi, je vais juste. Juste la généralisation, ouais, les jeux de rôle de Silent Drift, c'est les meilleurs pour débuter, ça dépend lesquels. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des jeux de rôle du commerce aussi qui sont bien pour débuter. Ouais, moi, je crois aussi que peu importe la simplicité de l'univers, etc., si le jeu de rôle, il est fun, si c'est agréable à jouer, ce sera un bon jeu pour débutants. Ouais, alors, est-ce qu'il y a un jeu dans le commerce qui est garanti 100% agréable à jouer? Alors, ça appellerait un sujet de podcast. Non, attends, réponds maintenant, à cette question. Je réfléchis, il y a du calme. Maintenant, il y a des jeux pour enfants qui sont rigolos. Ouais. Je suis désolée. Les petites sorcières et ce genre de choses, ça peut être sympa. On peut débuter à 73 ans, tu vois. Voilà. Il y a pas mal de jeux. Bon, je suis désolée, je vais faire hurler, mais il se trouve que c'est la réalité du terrain. Il y a pas mal de gens qui changent les règles et qui les rendent accessibles. Et qui les rendent accessibles. Voilà. Parce que habituellement, les jeux de rôle du commerce n'ont pas des règles accessibles. Ça dépend lesquelles. Maintenant, un jeu de rôle comme Vampire, tu vas pas me faire croire que c'est le système de règles le plus difficile qui ait jamais été inventé. Ça dépend. Ouais. Il est quand même jouable. Je veux dire, moi, j'ai commencé avec ça. Alors, Thomas, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais juste citer des jeux de rôle du commerce qui sont fun et accessibles. Vu que c'était ta question, je peux citer Cthulhu, je peux citer Chine, je peux citer. On va chercher quand même des biens. On va citer Kuro. Ouais. On va citer. En fait, non, je crois tous les jeux. D'accord. Alors, attends. Tous les jeux du commerce donc sont toi, fun toi, et accessibles. Toi, tu penses que tous les jeux du commerce sont fun et accessibles? Tout tu à penses fait. Que pour un débutant, un livre de 400 pages, genre Kuro, couverture cartonnée, c'est accessible? Alors, c'est un jeu qui ne fait pas 400 pages. D'accord. Et oui, c'est accessible. Je pense que si on parle le français, qu'on a accès un peu à Internet ou un dictionnaire pour éventuellement comprendre les mots qu'on ne comprend pas. Ouais. Il me semble qu'à aucun moment dans la base de Vampire, je n'ai trouvé un endroit où on m'explique comment jouer à ce jeu. Fabien ? Alors, il y a peut-être une autre distinction qui serait utile, c'est faire la distinction entre les jeux de rôle qui permettent d'entrer de manière générale dans le jeu de rôle, ouais. Les jeux de rôle qui sont faciles lorsqu'on se place de la posture du meneur de jeu. D'accord. C'est là-dessus que je voulais réagir aussi, parce que le livre de 400 pages, le livre de 400 pages, tu te le tapes pas en entier, hein, t'as pas le droit, c'est le MJ. Hein. Le MJ, il est censé t'expliquer l'univers et te faire lire juste ce qui est réservé aux joueurs. D'accord, ok. Effectivement. Alors, donc pour vous, il y a plusieurs trucs. Débuter en tant que joueur, débuter en tant que meneur, ouais. C'est ça ? Ok, moi je pense qu'en fait, le par quoi débuter, c'est, il faut distinguer des critères. D'abord, il faut distinguer l'accessibilité au jeu en lui-même. Est-ce que le jeu est facile à prendre en main, jouer seulement ? Est-ce que l'univers est facilement imaginable ? Moi, je prends par exemple n'importe lequel de nos parents. Alors, bon, peut-être ici, il y en a qui ont de la chance. Peut-être parmi nos auditeurs, il y en a qui ont de la chance et qui ont des parents un petit peu éveillés à la fantasy ou ce genre de choses. Mais c'est très difficile d'entrée de jeu de dire à un parent, tiens, voilà un dragon, voilà un machin. Enfin, tout le monde n'a pas cette ouverture à cette culture-là. Donc, il y a aussi cet aspect-là. C'est ça, peut-être, dont tu parlais, Fabien, tout à l'heure, en parlant de culture. La culture rôliste. Non, est-ce non, qu'elle non, est non. Là d'accord, ok. Bon, c'est plus une culture aussi, de jeu. C'est il y a ça aussi. Des habitudes de jeu pour que le jeu arrive à être fonctionnel. Olivier Caïra, dans Les Forges de la Fiction, explique que pour que le jeu de rôle émerge de l'ombre et des ténèbres obscures, il faut que les gens commencent à avoir un socle culturel commun. Ouais, c'est-à-dire absolument. Qu'on ait vu des séries semblables, qu'on ait vu des films semblables. Donc déjà, un jeu facile à débuter, c'est un jeu qui prend pour univers un univers connu. On pense par exemple, alors déjà au niveau de l'univers, rien que ça. Le Thomas, je te vois souffler, prends le micro et parle. Voilà, je parle. Ouais. Non, mais il faut un univers connu. Bah, ça me semble logique, non, Toulouse, il faut un univers connu. Toulouse, pourquoi est-ce que tu dis que Toulouse c'est un bon jeu pour commencer ? Est-ce que c'est pas par hasard ? Parce que beaucoup de gens ont vu du Hercule Poirot, du Agatha Christie, connaissent bien ce genre d'univers un peu fantastique, alors, Scooby-Doo, tout ça. J'ai cité ce tweet-là parce qu'on y joue, mais moi je considère que. Tous les jeux de rôle sont faits pour débuter. Moi, je me souviendrai toujours, on me demande, c'est quoi ta première expérience de jeu de rôle ? Je dis, c'est Ambre. Oh, Ambre ? Oh, c'est dur quand même pour commencer. Pourquoi ? Les règles sont simples. L'univers, effectivement, il faut connaître un minimum l'univers. Je crois qu'il faut connaître un peu l'expliquer. La fantaisie. Je veux dire, je suis désolé, je vois pas en quoi ça bloque. Maintenant, quand tu fais un jeu à quelqu'un, tu proposes à n'importe qui de faire un jeu, tu vas présenter ton jeu. Si la personne en face n'est pas réceptive parce que l'univers ne lui parle pas, c'est simplement qu'il n'a pas envie de jouer. C'est pas le fait que le jeu n'est pas accessible. C'est que l'univers qu'on lui propose ne parle pas au joueur en question et que tout simplement, il n'a pas envie de s'immerger dedans. Moi, tu me proposes un univers auquel j'y connais rien. Si ça ne m'intéresse pas, je laisse tomber. Si ça m'intéresse, je dis, parle-en moi plus. Décris-moi un peu plus comment fonctionne l'univers. Et après, j'y joue. Donc selon toi, le label découverte, et après je donne la parole à Fabien, le label découverte qui est donné par la FFJDR ne vaut rien alors ? Alors je dirais pas qu'il vaut rien. C'est-à-dire que tu peux le donner à tous les jeux, c'est ça que tu veux dire ? Moi je donnerais quasiment à tous les jeux. Tiens, j'ai expliqué pourquoi le quasiment. D'accord. Mais la FFJDR a créé ce label parce qu'eux ils ont un aspect du jeu de rôle. Pour eux, le jeu de rôle c'est une certaine forme. Et qu'ils considèrent qu'il faut un certain label pour orienter les nouveaux MJ, les nouveaux joueurs, parce qu'à mon avis, je ne sais même pas si c'est les joueurs ou les MJ qui visent, d'accord. Qui va leur permettre de dire, bah voilà, ce jeu-là est très simple, tu prendras en main très vite, pour avancer après sur un jeu peut-être un peu plus complexe. Pourquoi je dis quasiment tous les jeux ? C'est parce qu'il y a certains jeux, comme je prends Nephilim, je prends Earthdawn, qui sont sortis en deuxième, troisième édition, et quand ils sortent ces éditions-là, bon, surtout pour Nephilim, ils parlent dans l'idée que tu as déjà eu les éditions précédentes, d'accord. Qui t'ont déjà donné des règles. Donc là, effectivement, en tant que maître de jeu, si tu n'as pas les éditions précédentes, tu ne peux pas vraiment jouer. Mais si tu prends une première édition, que tu arrives à avoir tous les suppléments avant et que tu veux t'y mettre, d'accord. Tu peux t'y mettre sans problème. D'accord, ok. Fabien, tu voulais ajouter quelque chose ? Non ? Moi, j'avais envie de passer à quelque chose de peut-être un peu plus concret. Mais j'ai oublié de vous demander en préparation du podcast si vous aviez déjà eu ce genre d'expérience de... De première partie, tu veux dire de première partie, on en a tous eu. Oui, je vois pas ce que tu veux dire. De faire cette démarche, de dire, bon, ben voilà, j'ai des gens qui ont jamais joué du jeu de rôle. J'en ai eu pas mal. Moi, j'en ai eu pas mal. Alors, j'ai commencé par... Charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, j'en ai eu deux. Donc, j'ai eu cette expérience d'innommable avec de la famille. Ouais. Et une fois, à nouveau, avec de la famille, avec mes neveux qui ont entre 8 et 13 ans, et avec lesquels on avait joué vraiment à la débeauté, un univers de fantasy qui venait comme ça. Du tout venant. Voilà. Flavie, tu as eu cette expérience d'initier de nouveaux joueurs ? Je crois pas. Non, je ne crois pas. Thomas, toi, tu as pris quoi ? Alors, moi, oui, j'ai eu beaucoup d'expérience d'initiation de nouveaux joueurs. Donc, moi, j'ai maîtrisé en première table du Saint Seiya RPG. Je pense que c'est une pure idée parce que tu connais déjà l'univers et avec les personnes qui ont regardé la série. Alors, j'ai fait du Bitume MK5 en premier jeu. J'ai fait du Ambre en premier jeu. Ça, c'est toi qui as joué. Non, là, je suis en train de décrire. Toutes les tables que j'ai faites à des joueurs qui n'ont jamais su ce que c'était que jeu de rôle, je dis, tiens, je te propose un jeu, qu'est-ce qui te fait triper comme univers ? Ah, moi, j'aime tel type d'univers, tiens, je te propose ça comme jeu, est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que tu as préparé des choses particulières ? Pourquoi ces jeux-là ? Est-ce que tu as préparé des choses particulières pour permettre une meilleure accessibilité ? J'ai pris le jeu en tout venant. La seule chose que j'ai pu faire par rapport à des gens, on va dire, un peu plus habitués, c'est que là, j'ai peut-être pris une méthodologie de d'abord, dans un premier temps, je vais t'expliquer l'univers, ce que je fais avec un joueur classique. Ouais. Ensuite, je vais t'expliquer le système. Et là, on va me poser la question, mais ça veut dire quoi concrètement ? Je dis, quand tu veux faire une action dans le jeu, à un moment, je vais te demander de lancer un jet. Ouais. Donc, par exemple, pour... crocheter une porte. D'accord. Voilà. Tu vas prendre ta caractère, tu vas prendre ta compétence, tu me jettes un dé, tu te dis si c'est réussi ou pas. Ouais. Voilà. D'accord, ça marche. La seule démarche que je vais pousser par rapport effectivement à un joueur débutant, c'est qu'au fur et à mesure du jeu, je vais le pousser à faire ce qu'on appelle du roleplay. D'accord. Mais c'est tout. Mais j'ai jamais trouvé de limitation dans un jeu pour des débutants. Pour moi, tu peux commencer par n'importe quelle partie. J'ai déjà vu des jeux. Moi, je me souviendrai. J'ai fait du Rêve de Dragon. Et Rêve de Dragon est un jeu où ils ont sorti une édition spécifique d'initiation. Je crois qu'il s'appelait Onirim. Enfin, je ne me rappelle plus du nom exact. Et c'est Rêve de Dragon avec des règles plus allégées. D'accord. Mais moi, je dis pourquoi pas, parce que les règles sont moins complexes, mais tu peux très bien commencer avec la base de départ. D'accord. C'est vraiment pas gênant. Ouais, alors bon. Moi, de mon côté, je réponds à ta question, Fabien. Moi, j'ai commencé soit par Cthulhu, soit par Saint Seiya. Pourquoi ? Parce que... C'est-à-dire que tu as fait commencer des joueurs par ça. Oui, j'ai fait commencer par ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire à chaque fois, je commençais par faire jouer des gens soit à Saint Seiya, soit à Cthulhu. Saint Seiya, souvent parce qu'on était fans de la série ensemble et que du coup, ça nous faisait un socle commun. Et qui était un jeu que tu as créé. Oui, c'était un jeu. C'est surtout que c'est pratique pour mettre en place le roleplay, Saint Seiya. Voilà. Parce que tu as déjà vu tellement d'épisodes que du coup, tu as déjà ton roleplay qui est tout fait. Ah, Athéna, je vais te sauver. Super. Je veux dire, tu fais un jeu contemporain, le mec, il a déjà pris une voiture. Il a déjà pris le bus, il a déjà rencontré des gens. Mais quand même, le roleplay, quand tu veux vraiment te mettre dans le personnage, si tu dois jouer directement quelqu'un d'hyper déprimé dans un univers hyper triste, c'est pas forcément le truc le plus rigolo pour commencer. Quoi. Ah, est-ce qu'on peut... Ça dépend des personnages que t'as, des joueurs que t'as. Le truc, c'est que en dehors de ça, le roleplay, moi je m'en foutais complètement. C'est vrai que pour Saint Seiya, il y a le roleplay et tout tracé, si j'ose dire, mais après, il y a des gens qui sont plus ou moins capables de faire du roleplay. Ça, c'est pas ton système obligeait à en faire si on voulait acquérir le septième sens. Soit, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que ce qui comptait pour moi pour débuter par un jeu ou par un autre, c'était avant tout l'univers accessible et savoir est-ce que culturellement, tu avais vu des films dans ce style-là, est-ce que tu avais joué à des trucs. Pourquoi ? Parce que moi, je suis un maître de jeu qui encourage dans ses parties les gens à faire du roleplay, effectivement. Donc je veux, et à bien s'imaginer les scènes, donc je veux que les gens aient des bases culturelles communes. Maintenant, c'est propre à ma démarche personnelle. C'est pour ça que j'initiais les gens avec ces jeux-là. Fabien. Oui. Thomas a levé la main avant. Eh bien, j'ai pris la parole. Désolé. Salaud. Au-delà du socle culturel commun, moi, il me semble que si on veut avoir des... Enfin, là, je suis à nouveau mon anarchiste, anarchiste digidaire. Cylindriftien, francophone, quoi. Fin... Il faut que on ait des règles qui poussent les jeunes joueurs à inventer. Il faut que ce soit des règles qui fertilisent leur imaginaire. Alors, c'est-à-dire que... C'est clair. Cela dit, à l'époque, quand il fallait faire découvrir des jeux, moi je ne connaissais pas encore Silent Drift. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont été dans ce cas-là. C'est-à-dire que notre génération n'est pas une génération où The System Does Matter, par exemple, où ce genre de principe était encore érigé en tablette moïsienne, quoi. Il n'y avait pas encore ce côté aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait très attention à ça. Mais à notre époque, ce n'était pas le cas. Donc il fallait bien trouver quelque chose. En fait, je crois qu'on a raté quelque chose pour l'instant, et ça va rejoindre ce que tu disais, Fabien. Après, je te donne la parole, Tom, c'est promis. C'est que il y a deux choses dans le jeu de rôle. Il y a d'abord le jeu auquel on va jouer, mais il y a aussi les mécanismes et les techniques employées dans le jeu de rôle en Absolument. Général. Et Thomas, qu'est-ce que tu voulais dire? Donc, en fait, ce que je voulais surtout dire, c'est que toi, tes premiers joueurs, enfin tes joueurs débutants, tu as proposé donc du Saint Seiya et du Cthulhu. Est-ce que c'est pas plutôt parce que c'est des univers que toi tu connaissais bien ? Non, non, absolument pas. Parce que Cthulhu, justement, c'est un univers que je maîtrise très très mal. D'ailleurs, les dernières expériences que j'ai eues de Cthulhu étaient, enfin, souvent les gens me disent ah ouais, mais c'est pas du Lovecraft ou c'est trop humoristique. Non, c'est parce que vraiment parce que je trouvais que c'était des trucs qui étaient bateaux, quoi. Le policier, tu vois, le côté policier. À l'époque où t'as fait ça, tu connaissais quoi d'autre comme jeu ? Par exemple, je connaissais mieux l'univers de Conan le Barbare ou de Bloodlust ou de ce genre d'univers. L'univers, tu trouvais ce jeu trop compliqué pour des débutants ? À cause de Magic, d'ailleurs. Non, c'est pas que je trouvais ça trop compliqué, mais souvent, les joueurs débutants étaient des joueurs qui connaissaient pas non plus l'univers de la fantasy. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que du coup, je vais pas aller faire jouer à des gens qui n'ont aucune acquaintance avec l'univers de la fantasy des choses qui ont un rapport avec ça. Maintenant, si tu te trouvais face à des vieux rôlistes qui jouent, qui n'ont jamais joué d'Heroic Fantasy, on ne sait jamais, ça existe peut-être. Oui, ça existe sûrement même. Mais tu vois, par exemple, qui sont du tout hermétiques à l'univers fantasy, est-ce que de base, tu leur aurais proposé du Conan ? Non, tu aurais plutôt proposé, tu aurais déjà vu avec lui dans quel univers tu veux jouer. Même oui, si bien sûr, jeu de rôle. Avec un rôliste. Donc, oui, bien voilà. Sûr, avec un rôliste. Donc on revient à la même chose. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est débutant que tu as proposé ces jeux-là, c'est juste parce que la personne à qui tu es en face avait l'air d'être plus attachée ou en tout cas plus intéressée par un univers que lui connaissait. Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr que tu choisis aussi en fonction de la personne qui est en face de toi. Ça, c'est clair et net. Non, je pense que tout alors, jeu est fait pour les débutants. Est-ce qu'il y a un jeu, et voilà, là on pose une autre question, est-ce qu'il y a un jeu qui peut facilement être pris en main pour des gens qui ne connaissent rien, c'est-à-dire même pas les techniques traditionnelles de maîtrise ? C'est-à-dire en tant que MJ ? Mais en tant que MJ, ouais. Même en tant que MJ ou en tant que joueur. Moi, j'en suis parfaitement convaincu. Et tu penses qu'il existe des jeux qui font ça ? Ouais. Alors dans le commerce ? Dans le attends. Alors jeux de rôle, parmi les jeux de rôle avec lesquels on a débuté nous. Avec lesquels on de notre génération. Je pense pas qu'il y en ait. Il m'en vient pas à l'esprit qui explique véritablement comment se passent les choses physiquement autour de la table. AD&D peut-être. Peut-être Donjons et Dragons. Ce serait le seul. Qui explique vraiment bien comment y jouer. C'est possible. Et donc, du coup, celui-ci, ensuite, parce que si on regarde un petit peu historiquement comment ça s'est développé tout ça, Donjons et Dragons a été le premier, puis ensuite Cthulhu s'est créé en révolte par rapport à ce jeu, par rapport à Donjons et Dragons, où là, cette fois-ci, au lieu d'avoir des personnages immortels avec des gros niveaux, etc., on s'est retrouvé avec des personnages très mortels, et au lieu de prendre en compte uniquement le physique, on a commencé à prendre aussi en compte le mental, etc. Enfin, Cthulhu, on peut le voir vraiment comme un contre-pied de Donjons et Dragons, mais Cthulhu n'a jamais pris vraiment le temps d'expliquer comment on y jouait. Donc, est-ce que tu vois ce que je veux dire, Fabien ? Oui. C'est-à-dire l'idée que finalement, personne, à partir d'un certain moment, dans le jeu de rôle classique, n'a pris le temps d'expliquer ce qu'on faisait à la table. Et c'est devenu une espèce de tradition colportée de rôliste en rôliste. Ce qui encourage un peu la sous-culture, le fait qu'on on reste entre nous et qu'on a du mal à exporter. Parce que justement, quelqu'un qui prend le livre dans les mains ne peut pas débuter en ayant juste lu les règles. En tout cas, il faut qu'on lui explique quelque chose à côté. C'est pour ça que c'est ce que je voulais dire quand je parlais de culture rôliste. Je veux bien qu'on écoute un petit peu Thomas. Thomas, justement, j'allais lui donner la parole. Alors, moi, j'aimerais rebondir là-dessus sur le fait que le tout premier jeu que j'ai fait... j'étais vraiment tout gosse, j'étais fanat de livre dont vous êtes le héros. Puis un jour, j'étais avec des potes qui connaissaient pas du tout et je leur dis ah bah ça vous dit de vous faire un livre dont vous êtes le héros. Simplement, c'est moi qui écris l'histoire. D'accord. Et je leur ai fait un scénario comme ça avec quand vous avez une action, je leur ai dit vous jetez les dés comme c'est fait dans le livre dont vous êtes le héros. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Donc non, et en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que Je suis peut-être un maître exceptionnel, super intelligent, super immersif. Je ne pense pas. Thomas, t'es tellement fort. En gros, ça me paraît tellement logique. Tu prends une base. Tu prends une base de jeu de rôle. Dans la base, t'as des règles avec des exemples. On là t'explique une situation. Qu'est-ce qui se passe dans la situation? Et à la fin, t'as un scénario. D'accord. Quand tu dois faire vivre un scénario, effectivement, il peut arriver avoir des mecs qui n'ont jamais joué et dire je fais quoi? Voilà, je sais pas, moi, t'es dans tel endroit, qu'est-ce qu'a envie de faire ton personnage? Alors, ça me semble naturel de découler sur cette truc-là. Je vais te poser une question. Donc, toi, ça veut dire que tu n'avais jamais fait de jeu de rôle avant de faire ton premier jeu de rôle? Avant de faire mon tout premier jeu de rôle, j'avais jamais fait de jeu de rôle. Tu as inventé le jeu de rôle? J'ai pas inventé le jeu de rôle. Tout simplement, j'avais le livre dont vous êtes le héros sous la main. Moi, ça me faisait beaucoup triper. J'avais des potes qui connaissaient pas du tout. D'accord. Je leur ai dit, faut que tu découvres. Tiens, on va essayer de faire un truc. Okay. Et on est parti, on va essayer de faire un truc. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis au jeu de rôle comme ça. Hein. C'est une énorme. C'est fou, Thomas, parce que c'est pas du tout la première fois que j'entends cette histoire à partir des livres dont vous êtes le héros. Non, moi non plus. Je connais pas mal de gens qui ont commencé, mais. En fait, alors qu'ils ne connaissaient pas le jeu de rôle, et juste parce qu'ils voulaient refaire les livres dont vous êtes le héros, mais en vrai. Ouais, non, et carrément à fond. Hein. Je dirais même pas en vrai, moi, surtout l'idée, c'était de le faire à plusieurs. Alors, donc, est-ce qu'il y a un jeu pour débuter? Ben non, il n'y a pas de jeu pour débuter. Tous les jeux sont faits pour débuter. Bon, moi, c'est comme un jeu de plateau, quoi. Flavie. Maintenant, voilà, ça n'engage que moi. Moi, quand j'ai débuté le jeu de rôle, je ne savais pas trop où j'allais aller, ni ce qu'il fallait que je fasse. Et j'avoue que ça m'a drôlement sécurisé d'avoir un MJ. Ouais. Voilà, donc je généralise certainement. Et voilà. Maintenant, les jeux que tu as cités tout à l'heure, Fabien, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas forcément un gros MJ, mais il y a toujours quand même quelqu'un qui dirige un peu la partie pour t'indiquer un peu ce que tu vas pouvoir faire à un moment. D'accord. Pour pouvoir fertiliser un peu ton gameplay au début, au moins, pour te dire va par là, quoi. Je suis absolument d'accord, mais l'avantage des jeux que je citais tout à l'heure, c'est que plutôt que d'être une personne, c'est les règles. C'est un système. Ouais, voilà. C'est les règles qui te guident, qui te disent. Enfin, elles te disent pas où tu dois aller, mais elles t'invitent à aller vers différents endroits. Et c'est. Tout ce que je dis, moi, c'est que peu importe qu'on soit pour ou contre les jeux de rôle avec MJ, c'est qu'il faut toujours quelque chose pour guider, en fait, la personne qui débute. D'accord. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même bien, à la table, quand tu débutes, d'avoir quelqu'un qui connaît un petit peu ce qu'il va faire ou qui connaît un peu le jeu de rôle. Bon, toi, Thomas, c'était ton expérience. Maintenant, moi, je pense que c'est quand même bien. On dit tu vas faire des jeux de rôle, d'avoir quelqu'un qui te dit on va faire ça. Maintenant, on se balance dans l'univers. T'as quand même dû assumer plus ou moins ce rôle-là quand t'as commencé avec les autres. Alors moi, quand j'ai commencé, j'ai été meneur de jeu tout de suite. Donc ouais. j'ai pris le livre. Je me suis mal exprimé quand t'as fait jouer les premières parties. Oui. T'as quand même dû assumer on va commencer. Je vais vous expliquer l'univers. Mmh. Là, il se passe ça. Qu'est-ce que tu fais? Souvent, plutôt qu'un maître de jeu, on appelle ça un animateur. Oui. Dans les jeux de rôle. Ouais. Fabien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le. Enfin, je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faut quelqu'un qui entraîne. Maintenant, enfin, je pense que si le jeu est bien fait, n'importe qui ayant lu correctement les règles doit être suffisamment sûr de lui pour que ça, pour moi, même si pas c'est pas bon parfait le... dès là, le début. Pour moi, je suis désolée, c'est pas le sujet. Mais si, au contraire. Non, moi je trouve pas. Pourquoi? Parce que justement, le souci, c'est pas de savoir s'il y a un jeu de rôle vraiment vraiment parfait. Le vrai souci, c'est de savoir s'il y a pas de jeu de rôle parfait. C'est donc non, de non là, mais regarde le Monopoly par exemple. Ah. N'importe qui prend les règles et joue, c'est fait une partie. Oui, peu importe. Justement, on voudrait que le jeu de rôle ce soit aussi simple de prise en main que le Monopoly. Mais dans la réalité, t'as une règle, faits, tu la suis et c'est bien. Dans la réalité des faits. Si, dans la réalité des faits, c'est le cas. Un jeu de rôle, c'est une forme de jeu. T'as des règles, t'as des participants, et les règles servent à faire les interactions entre les différents participants. Malheureusement, c'est pas aussi simple d'accès que le Monopoly. Que le Monopoly, oui. Parce que généralement, les bases qu'on va trouver font pas 4 pages comme le Monopoly. Et puis au Monopoly, on construit rien en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on y a pas fait qu'avancer un pion, il n'y a pas de fiction. Oui, non, mais... Et c'est vrai que le fait de créer une fiction est quelque chose de neuf, effectivement. C'est particulier parce qu'il faut en plus encadrer la création de la fiction, il faut encadrer la génération de ce qui va être créé. Il ne faut pas que quelqu'un crée quelque chose en contradiction avec un autre. Tout ce que je voulais dire, c'est que si un jeu de rôle n'a pas les règles qui permettent de créer, de créer l'ambiance ou d'amener le joueur à jouer, ce qui palliera à ça, bah, c'est un bon MJ, quoi. Et le bon MJ, bah, c'est celui qui va te permettre de, bah, tout simplement de te faire emmener dans l'histoire, quoi. Moi, je ne peux pas. J'aimerais ne pas cautionner cette histoire de bon MJ. Oui, mais voilà, les jeux de rôle classiques te donnent raison. Le vrai souci, c'est qu'il y a plein de jeux de rôle classiques et qu'il y en a pas. Enfin, dans le commerce, c'est là qu'un joueur débutant va certainement commencer dans une asso, ce genre de choses, ou par des copains, et qu'ils ne vont pas jouer à des jeux indés. Soyons clairs, les jeux indés, ce n'est pas les premières choses qu'on connaît en France. Il n'y a aucun rapport entre jeux bien faits et jeux indés. Hein. Les jeux indés, c'est juste bon, voilà. Un indépendant, c'est juste une méthode de production et de commercialisation d'un jeu. Mais je veux dire, bon, Thomas, tu voulais dire ? Non, mais c'est pour rebondir sur le fait qu'il faut un bon MJ. Si on part dans l'idée qu'il y a des bons et des mauvais MJ, moi j'ai déjà joué des tables où pour moi le MJ était, je vais pas dire était mauvais, mais plutôt était pas très bon parce que c'est la première fois qu'il maîtrisait et on se retrouve avec un maître de jeu qui lit son scénario quoi. Il lit texto, il lit par ligne, tu le vois le nez dans le bouquin, lire par ligne parce que il sait pas trop comment faire. Par exemple, c'est pas une bonne première partie. Ouais. Bah non, parce que du coup, t'as pas d'intérêt. Pas forcément. Mais non, parce que si les joueurs en face, ils ont jamais joué, d'une part, ils savent pas trop comment ça se passe. Est-ce que ça va vraiment leur faire envie ? Est-ce que vraiment ils vont s'éclater à cette partie ? Je suis pas sûr. Ça, tout le monde s'éclate avec moi, ce je te dis que oui, parce que la démarche, c'est que t'es entre potes. Il y a un mec qui te propose une activité. Tiens, les gars, j'ai découvert un jeu qui s'appelle. C'est un jeu de rôle. Ça s'appelle Warhammer. Ça se passe dans un monde médiéval, il y a des monstres, vous allez jouer des héros qui allez friter des monstres, est-ce que ça vous intéresse ? Ah ouais, tiens, on va essayer. Mmh. Donc là, le maître de jeu, il commence à dire, vous arrivez dans l'auberge, machin, vous rencontrez une femme bidule, truc, qui cache une dague empoisonnée, qui semble avoir caché quelque chose. Voilà, enfin, je veux dire, non, et le mec en face, il dit, ok, bon, faut que je fasse quoi ? Je sais pas, tu rencontres quelqu'un, tu fais ce que tu veux, quoi. Je vais au bar, je commence à friter le premier mec qui passe. Et là, tu as passé une heure de scène qui ne sert strictement à rien. Mais tous les gens autour de la table vont être morts de rire parce qu'il va se marrer parce que ton pote il fasse des conneries. Mais c'est plutôt une bonne chose si le MJ te laisse faire. En général, il va te laisser faire. Mais au bout d'un moment, il va t'emmerder, dire non, faut faire le scénario. Ah ouais, t'as raison, on va peut-être faire le scénar. Petit à petit, tu vas avoir une osmose sur la table et tu vas avoir une bonne ambiance. Il n'y a pas de technique qui garantisse une bonne partie. Ça dépend de ce que tu recherches. Ça dépend si t'as quatre joueurs en face de toi qui veulent entendre une histoire, même un conteur. J'ai vu des gens en convention s'amuser à écouter quelqu'un parler pendant 1h30, 2h. Puis c'est pareil, à ne rien dire quasiment, jeter 2-3 dés de temps en temps. Il suffit juste que ton MJ qui débute, il a sa propre idée et que les mecs autour de la table, ils ont une autre idée. Tout le monde ne va pas forcément s'amuser. Mais si tu pars dans l'idée juste de passer une bonne soirée, je pense que les gens peuvent se marrer. Ça m'amène à une nouvelle question. Quand on débute le jeu de rôle, qu'est-ce qu'on attend ? Malheureusement, il y a peu de bases de jeux de rôle qui te posent cette question. Hein. C'est rarement inscrit sur la page de garde. Parce que du coup, le label découverte, d'accord, mais il faut qu'il classe les différentes attentes. Je ne sais pas comment il est fait, mais ça ne peut pas être donné pêle-mêle. Tous les joueurs ne se ressemblent pas. On est tous différents, on a tous des attentes différentes. Et quand on fait un jeu de rôle, c'est pareil. Et quand on débute, le label découverte a été fait par la FFJDR parce que la FFJDR a une définition du jeu de rôle. Qui est, alors, si j'ai bien compris la définition du jeu de rôle de la FFJDR, c'est passer un bon moment avec un système simple. Je crois que c'est, en gros, je peux me tromper, hein, mais en gros, c'est ce que j'ai à peu près compris. D'accord. Donc, c'est le label découverte. C'est le label découverte pour les gens qui se veulent s'accrocher à la FFJDR, qui fait « Ok, la description du JDR Group 2D m'intéresse, donc je vais passer par là. » Mais je sais pas, moi, c'est... Franchement, très très limité en fait. Moi je trouve qu'en fait alors quitte à faire des labels, les créateurs de jeux devraient tous s'entendre sur des labels non pas découvertes, parce que je trouve que ça n'a pas trop de sens, mais des labels genre qu'est-ce qu'on fait dans la partie quoi. Est-ce qu'il y a un maître de jeu ou pas? Est-ce qu'on est là pour raconter une histoire? Est-ce qu'on est là pour friter du mob? Est-ce qu'on est là pour se marrer autour de la table? Est-ce qu'on est là pour être plus fort que son copain? Ou est-ce qu'on est là pour inventer une histoire ensemble, etc. etc. Enfin, mais ça tu le définis à la base. Je veux dire, au départ, ton attente, moi je suis nouveau joueur. Je découvre ce que c'est que le jeu de rôle, j'ai jamais fait de ma vie. Ouais. Mon idée, c'est je veux passer une bonne soirée. Donc tu me proposes n'importe quoi, je dois passer une bonne soirée. Mais ouais, mais là je comprends. Oui, mais pas. Tout le monde s'amuse pas de la même manière et tous les jeux proposent pas les mêmes manières de s'amuser. Ah, mais je suis désolé, les gens là. Pour avoir cette idée de structuration, moi je m'amuse de telle façon, je m'amuse de telle façon. T'en as dû en taper des parties. Non. Ah, si, t'as dû en faire des scénarios. Moi je me rappelle bien de ma première partie et moi ce qui m'a fait saliver, c'est qu'on m'a dit. Tu vas être un vampire comme Anne Rice. Ouais, voilà. Ben voilà. T'as rencontré quelqu'un qui a déjà fait du jeu de rôle et qui t'a dit, ben voilà, on va faire ça. Bah oui, mais bon, ça va avec le fait de commencer la partie. Tu commences. Ah, mais maintenant, on part dans l'idée que tout le monde est débutant. Ouais, ah oui, mais c'est, tiens, très bonne expérience de pensée. Imaginez, tout le monde est débutant. Bah moi, je sais que j'ai rêvé quand je lisais les bouquins de Anne Rice, parce que bon, bah, je suis une grosse fan. De pouvoir être ce genre de vampire pendant une soirée et pouvoir savoir ce qu'il pourrait penser ou faire. Oui, voilà. Et voilà, moi, c'était ce que j'attendais d'une partie. Moi, je pense que avant tout, ce qui peut faire rentrer dans un univers ou dans un autre, dans un jeu ou dans un autre, c'est son univers. L'univers est une accroche. Voilà. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut t'attirer, Fabien. Mais tu ne veux pas forcément les mêmes choses. Tu peux, dans certains cas, tu veux explorer, dans d'autres, tu veux ressentir. Alors, tout à fait. Tout à fait. Ensuite, il y a ce paramètre-là. Mais d'abord, l'univers, Fabien. Tu veux dire quelque chose ? Oui, plus que l'univers, c'est l'expérience de jeu de manière plus générale. Ouais. Parce que dire l'univers, d'accord, si on dit... si on prend l'univers de Conan, mais que dans l'univers de Conan, on joue le dernier des Pégu, l'expérience de jeu, c'est, par exemple, dans l'univers de Conan, vous allez... Oui, oui. Explorer des. C'est vrai que j'ai tendance à penser des cités, par exemple. Tu joues pas dans l'univers de Conan si tu joues le paysan et son chameau ou le chameau qui se fait boxer donc par Conan. Donc c'est pas que l'univers. C'est pas que l'univers, ouais, d'accord. C'est l'expérience du jeu, c'est-à-dire également le type de personnage que tu vas jouer. C'est pour ça que je te disais, jouer un vampire, le moi. Style je voulais pas jouer un pauvre humain naze. Je pensais au style littéraire aussi. En disant l'univers, je pensais au canon, en fait. Au sens. L'univers du jeu, au sens. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde du jeu, bien sûr, mais pas uniquement le monde. Je pensais aussi à qu'est-ce qu'on joue, etc. Moi, c'est ça que j'appelle l'univers. C'est tout le canon, en fait. Ah, parce que l'univers, en général, quand on parle de jeu de rôle, c'est plus une description. T'as raison de me reprendre, oui, t'as raison. Ouais. Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Thomas ? Ouais, moi, pareil, toutes les réflexions que vous donnez, pour moi, c'est parce que vous êtes des vieux joueurs. Des vieux routards. Des bons rôlistes routards qui a une sacrée expérience. Qui en plus est allé plus loin qu'on va dire peut-être que d'autres rôlistes qui eux continuent à jouer de la façon dont ils jouaient à 14 ans. C'est que vous avez essayé de faire évoluer votre façon de jeu de rôle, donc vous avez évolué votre pensée. Qu'est-ce qui m'intéresse en fait dans le jeu ? Non, je pense qu'on ressort vraiment de l'idée d'être nouveau. Il n'y a pas que ça, Thomas, c'est parce que j'ai eu une discussion aussi avec une amie il n'y a pas si longtemps que ça. Alexia, si tu m'entends. Alexia, voilà, on discutait parce qu'elle sait que je fais du jeu de rôle, elle n'en a jamais fait. Et du coup, on a discuté parce qu'elle m'a dit bah, « j'aimerais bien tester un jour ». Donc, on a discuté de ce qu'elle aimerait faire, quoi. Et donc, elle a envie de voir déjà comment ça se passe autour d'une table. Elle a envie... Alors, elle, le roleplay, ça lui fait peur. Donc, elle n'a pas envie forcément de parler avec la voix de quelqu'un et tout. Et ça la fait rire d'imaginer ce que fera un personnage. Mais elle, ce qui la fera plus triper, c'est d'explorer un univers, dire je vais par là, de faire des actions à un personnage. Donc, pas de ressentir ce que le personnage fera. Tandis que moi, je me rappelle très bien qu'à ma toute première partie, moi, je voulais ressentir ce que allait ressentir mon vampire, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est des réflexions, Fabien. On doit concéder ça à Thomas. C'est vrai que c'est des réflexions déjà bien poussées quand même, celles qu'on dit. C'est-à-dire que tu peux pas expliquer sur une quatrième de couverture. Attention, ce jeu de rôle est fait pour créer des histoires à plusieurs. Ou attention, ce jeu de rôle est fait pour non. Qu'est-ce que t'en penses, Fabien ? Moi, je pense que sur le quatrième de couverture, il peut y avoir attention, ce jeu vous permet de créer des histoires de vampires comme dans Anne Rice. Ouais, voilà. Et que quelqu'un qui voudra débuter, si on lui dit ça va plutôt t'orienter vers ça, son expérience de jeu ou la manière dont il débutera sera plus intéressante pour lui si cette proposition d'expérience de jeu est explicitée. Ouais, mais est-ce que tu penses que si tu mets cette information sur la quatrième couverture permettra à ce jeu d'être un meilleur jeu pour débuter ? Oui, absolument. D'accord. Alors parce que je reste toujours dans mon idée. Moi, je me souviens, le premier jeu de rôle que j'ai voulu acheter, c'est j'ai cherché un univers. J'ai pas cherché un système, j'ai pas cherché, j'ai cherché un univers. Ouais, d'accord. Donc voilà, maintenant que je parle de Méo de mes 16 ans, une réflexion assez limitée, en tout cas à cette époque-là, moi j'étais comme ça. J'ai cherché un univers, j'ai pris le bouquin. Malheureusement, j'ai acheté Néphilim seconde édition. Oh la j'ai ouvert le bouquin. Ouais, je comprends le truc. J'ai tout lu. J'ai tout lu, j'ai trouvé l'univers génial. Et bon, bah, malheureusement, je suis pas tombé sur le bon jeu parce que après, j'ai découvert des gens qui avaient déjà joué qui me disaient, ah ouais, non, mais si t'as pas la première édition, il te manque des tas d'informations. Je fais, ah, en fait, je suis pas si con que ça, c'est juste qu'il manque des informations pour comprendre le jeu. D'accord, ouais. Voilà. Mais, le premier jeu que moi, que j'avais maîtrisé, donc, une base, c'était Ambre. J'ai pris la base, j'ai lu, j'ai fait, ah, l'univers me plaît. Mmh. J'ai continué, tac, j'ai pris les systèmes, donc, bah, comme sur un jeu de plateau, j'ai appris les règles, hop. Bah, c'est parti, les gars, on joue. Je me lance, je me jette à l'eau. J'ai fait des tas de conneries parce que j'ai ressenti que mes joueurs s'en trouvaient limités, machin. Mais ça m'a permis d'évoluer. Et quelque part, après, quand on a reparlé de tout premier scénar, parce que j'ai revu mes joueurs, mes anciens joueurs, quelques années après, ils m'ont dit, ah, si, si, c'était excellent, c'était bien marré. Je me souviens qu'on avait fait ci, qu'on avait fait ça. Et j'ai pas cherché de savoir qu'est-ce que j'essayais de ressentir dans le jeu de rôle. Non, non. J'ai pas essayé de réfléchir à est-ce que c'était une bonne expérience de jeu. Simplement, c'est que j'ai fait une soirée avec des gens que j'appréciais et j'ai passé une bonne soirée. On voit bien de toute façon l'enjeu qui est derrière ce label découverte. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que le jeu de rôle soit accessible. Mais ouais, je pense aussi, c'est ça, que c'est je pense que le laisse-le aller jusqu'au bout peut-être. Ah voilà. D'accord. Non, je pensais que tu avais terminé en fait. Non, mais non, si j'ai terminé, mais c'est en fait dans ce que tu disais, ouais, je pensais que tu voulais qu'il termine. Et justement, je vais le couper. Je pense que surtout dans le label découverte, ce qu'il voulait faire, c'est que le gars qui connaît pas du tout le jeu de rôle, il tape JDR, quatrième lien, il voit Fédération française de jeux de rôle, ah une fédération, bah c'est là que je trouve le plus d'informations. Je clique dessus, là on m'explique que c'est ce que le jeu de rôle, la définition, après nous elle nous plaît pas. Le gars lui il se dit ok en gros c'est ça le jeu de rôle, ah bah tiens j'aimerais bien m'y mettre, ah bah tiens je vois qu'il y a un label découverte qui peut m'aider à commencer le jeu de rôle. Il clique dessus, il voit une liste de jeux. Ok, c'est un moyen d'orienter effectivement un joueur débutant vers quelque chose. Maintenant, moi, quelqu'un viendrait me voir, je me dis oh non, ton label découverte, tu t'en fous. Tu vas dans n'importe quel magasin où tu cherches sur internet, parce que maintenant on trouve des jeux amateurs assez simplement. L'univers te plaît, tu prends et c'est parti quoi. Fabien, une dernière réaction avant de clôturer ce podcast. Non. Moi, j'ai une réaction par contre. Alors, je m'excuse d'avance, voilà. Parle plus fort. Parce que je m'excuse d'avance, voilà. Donc, le label découverte, quelle que soit l'idée qu'il y avait derrière, je trouve que c'est juste essayer de se dire « Ah, mais non, le jeu de rôle, c'est rigolo, c'est bien, c'est fun, c'est facile, allez-y. » Le jeu de rôle, c'est juste une activité qui n'a pas besoin d'un label découverte, qui a juste besoin de quelqu'un de curieux, qui va aller se renseigner. Et je pense que le label découverte, si on veut vraiment en faire un, c'est pas comme ça qu'il faut qu'il soit fait. Bah là, on ressent totalement l'expérience d'un rôliste qui a découvert un rôliste, qu'on lui a proposé un truc, il a fait c'est bon, moi j'ai pas eu besoin du label découverte. Le mec est tout seul dans sa cambrousse, qui a juste ses potes, qui connaît aucun rôliste, et ben il est bien dans la merde. Et il va sur internet et il tape jeu de rôle. Fabien ? Ouais, moi je trouve que c'est pas une mauvaise. Une mauvaise initiative. J'ai pas dit que c'était une mauvaise initiative sur le fond, j'ai dit que c'était pas forcément comme ça qu'il aurait fallu le faire. Maintenant, c'est facile à dire de mon point de vue, mais bon, moi je trouve que balancer une liste de bouquins, ça va jamais aider personne à essayer de trouver un livre, un jeu de rôle qui va t'aider et vraiment qui va te plaire. Ouais, je vois l'idée qui est derrière ce label, mais il faudrait en discuter davantage. Et puis je trouverais ça sévère quand même pour d'autres jeux, t'imagines, des jeux qui n'auraient pas le label découverte, ça serait assez exclusif, ça ferait que du coup... Et puis, moi ce qui m'énerve c'est ce que vous avez dit, que c'est forcément des jeux faciles avec un système de règles qui est censé être facile pour être pris en main. Je trouve que ça c'est hyper réducteur sur ce que c'est le jeu de rôle et c'est hyper réducteur sur ce que ça peut être comme une création quoi. Et pour il y a des joueurs débutants qui vont se faire chier avec ça alors qu'au final ils auraient eu un jeu vraiment créatif et ben pas forcément facile d'accès comme le label découverte l'entend, bah, il se serait bien plus amusé. De ce côté-là, je rejoins Thomas. L'univers et les règles, elles n'ont pas forcément besoin d'être faciles, elles ont juste besoin d'être intéressantes pour la personne qui va les lire. Eh bien, c'est à votre tour maintenant de nous dire un petit peu sur le forum comment vous avez découvert le jeu de rôle, si vous l'avez découvert, et comment vous comptez le découvrir si vous ne l'avez pas encore découvert. En attendant, bah, nous, on vous souhaite à la semaine prochaine pour un prochain podcast J'espère un peu moins endormi, parce que là, on l'enregistre très très tard. Obligation professionnelle oblige. En tout cas, après une courte pause musicale, vous avez rendez-vous avec Tidus Snake, qui lui est en direct, et donc, je l'espère, en forme, pour Craft Mag. Allez, à bientôt tout le monde. À dimanche prochain pour notre premier one-shot à ne pas rater sur Sweet Agatha. À bientôt tout le monde. Salut. Ciao. Salut.